lève la main en main en le chantant. Yahweh. Yahweh, oh. Yahweh. Yahweh, oh. Dieu, nos acclamations, s'il vous plaît, un sacrifice d'acclamation. Jésus. Nous sommes le cinquième jour de ce programme. Et Dieu devrait être satisfait de ce que tu as compris. Et de ce que tu deviens. Et donc nous voulons maximiser ces instants pour essayer de compléter certaines idées ou certains éléments afin que quand Dieu t'établit, tu deviens vraiment opérationnel. Dieu a besoin de toi et de moi. Il a besoin de nous tous. Et il a travaillé pour nous y amener. J'aimerais que tu lèves les mains et tu dis Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Dispose-moi plus qu'avant. Uniweke tayari kushinda mbele. Fais ce que tu n'avais pas encore fait. Ufanye ile ambayo ulikuwa haujafanya. Atteins l'objectif que tu n'avais pas encore atteint. Fikia lengo ambalo ulikuwa haujafikia. Prions le Seigneur. Tumombe Bwana. Demande ça de tout ton cœur. Yombe kwa moyo wako wote. Seigneur, fais ce que tu n'as pas encore fait. Achève. Achève ce que tu avais commencé. Seigneur, touche mon cœur, mon âme. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, complète ce que tu devais compléter. Seigneur, complète ce que tu dois compléter. Quelque chose, Seigneur. Père, merci ce soir et ce jour. Parce que tu es là, ô Dieu. Mon Dieu, mon roi, mon sauveur, le Dieu de mon salut, le roi éternel, le roi invisible, le roi immortel, mon soutien, ma forteresse, mon appui. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu vivant. Tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es le véritable. Le Dieu puissant. La puissance n'a pas de limite. Le Dieu de la guérison. Tu n'es pas limité. Tu es infini. Dieu infini. Tu fais des merveilles. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou attendre. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il y a un couple qui devait témoigner. Je ne sais pas s'ils sont prêts. C'est prêt? Shalom à tous. C'est pour nous une joie et un privilège de nous tenir devant vous pour témoigner ce que Dieu a fait pour nous pendant cette période de tournant décisif. Les témoignages ne commencent pas seulement le jour du tournant décisif ou pendant le tournant décisif. Mais ces témoignages commencent avant les tournants décisifs. C'est pourquoi je vais le résumer en quatre petits mots. Avant les tournants, au début du tournant, pendant les tournants, et à la fin du tournant. Avant les tournants, tout a commencé au mois de décembre de l'année 2018. Où le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour certains sujets au courant de cette année 2019. Et nous avons soumis à Dieu ces requêtes. Mais la plupart de ces requêtes ont été exaucées au mois de tournant décisif. Ça faisait deux ans que je travaillais très loin de ma famille dans la plaine de la Ruzizi. Et la prière de la famille était que je revienne à côté de la famille. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a exaucé cette prière, il m'a rapproché de ma famille. Aussi, on était en train de prier pour que Dieu fasse grâce que nos revenus s'accroissent encore plus davantage. Et avant le tournant décisif, une semaine avant le tournant décisif, le Seigneur nous a fait grâce. Un investissement qu'on avait déjà mis en place pour que ça nous permette de faire croître nos revenus. Et un dimanche avant le tournant décisif, cet investissement a commencé à produire. Na jumapili moja mbele ya kipindi ya tournant décisif, ile mawekezo kaanza kutoa matunda. Et au premier jour du tournant décisif, pour parler du début du tournant décisif, J'avais déjà fait un test pour un poste dans une autre organisation. Nilikuwa nimeshafanya mtihani juu ya kazi fulani ndani ya kampuni nyingine. C'est dimanche le premier jour du tournoi décisif comment appeler pour me dire que j'ai été retenu. Na ni ile siku ya kwanza ya tournoi décisif ambao waliniita wakiniambia kwamba nimekamatwa kwenye kazi. C'est par grâce que j'ai eu ce poste. Ni kwa neema nimepata kazi hiyo. Je vais nous épargner de tous les détails. Sitawaelezea mambo mengine. J'étais le seul qui a été retenu dans tous les pays. C'était un seul poste qui a été publié au niveau national et nous étions nombreux qui avons fait les tests. Ilikuwa, et j'ai été le seul qui a été retenu. Ilikuwa ni kazi moja ndani ya nchi nzima na mimi mwenyewe ambao niliweza kukamatwa kwa kazi hiyo. Et pendant que j'ai été retenu, na wakati nilipokamatwa, je n'ai même pas fait l'interview. Sikufanya hata majadiliano kwa pamoja na boss. On m'a dit, tu as été retenu, on n'a même pas besoin de faire l'interview, tu as été retenu, viens seulement, viens commencer. Waliniambia una haja ya kufanya majadiliano, kuja tu anza kazi. Et quand je voulais commencer, na wakati nilitamani kuanza, j'ai adressé à mon ancien employeur désormais ma lettre de démission. Nikamwandikia bosi wangu wa mbele ya kwamba ninaacha kazi. Ce qui est curieux, c'est que le directeur national a refusé ma démission. Inayokuwa ya kushangaza ni kwamba msimamizi wa kampuni yetu kwa taifa akakataa kibarua changu cha kukataa kazi. Il m'a dit tu ne vas pas partir. Je compte beaucoup sur toi. Tu es parmi les personnes sur qui je compte et donc tu ne pars pas. Dis-moi seulement ce que tu veux pour que tu restes. Uniambie tu ile ambayo nataka ili ubakie. Je lui ai juste dit le Seigneur m'a établi, je dois partir. Même si tu me donnais le salaire qu'on vient de me donner, je vais partir. Nikamwambia Bwana amenishimika mimi nitaenda tu hata ukinipa mshahara huu ambao wananiahidi mimi nitaenda tu. C'est comme ça que j'ai commencé mon travail. Na ni hivyo ndivyo nilivyoanza kazi yangu. Une semaine après comment confirmer que j'ai été retenu. Wiki moja kisha kuniambia kwamba nimeshikwa kwenye kazi. Dieu ne s'est pas arrêté là. Mungu hakumalizia hapo. Il a continué à exaucer nos prières. Aliendelea kujibu maombi yetu. Pendant les tournois décisifs, ndani ya mkutano wa tournoi décisif, on était en train de prier aussi pour la requête que mon épouse ait un contrat stable parce qu'elle était consultante dans une entreprise quelque part. Tulikuwa tunamomba Mungu ili mke wangu naye apate kazi nzuri sababu alikuwa anatumika kazi lakini ni kwa muda ndani ya kampuni moja. Et à la fin du tournoi, na kwa mwisho wa tournoi décisif, nous avons vu Dieu exaucer cette prière. Tuliona Mungu akijibu maombi hayo. Mais la particularité de ce témoignage, c'est que c'était dans la prolongation du tournant décisif. Lakini upekee wa hii ushuhuda ni kwamba ilikuwa ni wakati ambapo tuliendelesha na kipindi ya tournant décisif. Le tournant a pris fin, ça n'a pas été concret. Tournai haikuisha kwa tarehe 13. Et quand le pasteur a dit qu'on va faire une prolongation, na mchungaji aliposema kwamba tunapaswa kuendelesha, nous avons été parmi ceux qui ont participé à cette prolongation. Tulikuwa miongoni mwa wale ambao walishiriki ndani ya hiyo wakati ambao waliongeza notre prière. Na Mungu alijibu maombi yetu. Mon épouse a aussi décroché son travail très important. Na mke wangu naye akapata kazi ambayo ilikuwa nzuri. Et je vais la laisser parler parce que c'est aussi un autre témoignage à part. Na nitamwacha yeye mwenyewe aseme sababu ni ushuhuda mwingine. Amen. Amen. Je bénis Dieu de me donner ce privilège de me tenir au devant de vous. Nambariki Mungu kunipa heshima hii kusimama mbele yenu. Comme mon mari vient de le dire, jinsi mume wangu ametoka sema, c'est dans la prolongation du tournant que Dieu a exaucé. Ni ndani ya kipindi kilichofuata tournoi décisif ambao Mungu alinijibu. Au fait, ce poste, j'y avais postulé il y a 2 ans et j'étais enceinte. Ile kazi niliweza kuanza kuitafuta nilikuwa na mimba nilikuwa miaka 2 na pita. Et j'étais à terme. Na nilikuwa karibu kuzaa. J'avais fait le test. Nikafanya mtihani. Et l'interview. Na nikafanya majadiliano. Je n'avais pas été retenu. Lakini sikukamatwa. Bon, on m'a expliqué, d'autres personnes m'ont expliqué que souvent dans les ressources humaines, quand on est enceinte, on ne retient pas parce qu'on sait déjà que elle va mettre au monde, donc ça ne sera pas facile pour elle de travailler. Na wakaniambia kwamba njisi nilikuwa mjamzito, ni vigumu wanipe kazi hiyo sababu ndani ya kuongoza watu, hapo nitazaa karibuni na haitakuwa rahisi kutumika kwangu. Et je regrettais, je disais à Dieu pourquoi tu ne me donnes pas, mais après je me suis dit bon, cet enfant il est plus important que ce travail, tu sais pourquoi. Na nilikuwa nikijiuliza sababu Mungu hakuruhusu nipate kazi hiyo, lakini nikaona kwamba ule mtoto alikuwa na maana kushinda kazi hiyo, na nikasema Mungu anajua sababu. Et ce c'est pendant encore ce mois de juin que la personne qui avait été retenue a décidé de partir pour étudier. Na kwa mwezi wa sita mtu ambali yekamatwa kwenye kazi akaamua atoke ili aende kasome. On a encore republié le poste. Na wakaweka tangazo tena kwa ajili ya kazi hiyo. J'ai encore postulé. Na tena nikaweza kutafuta kazi hiyo. Nous étions 45 dans le test. Tulikuwa 45 tukigombea kazi hiyo. Et j'avais peur, je me disais, Seigneur, on est nombreux, comment est-ce qu'on peut passer? Na nilikuwa nikimuuliza Bwana, mbona sisi ni wengi, namna gani mtu anaweza kupata kazi hii? Mais je m'étais appuyé sur l'Éternel. Lakini mimi nilimtegemea Bwana Mungu. J'étais en train d'y aller en chantant a born a winner more than victorious. La chanson de Sinach. Nilikuwa nikiimba nyimbo ya Sinach wakati nilikuwa nikienda huko. Et après on m'a aussi appelé pour le test. Na kisha wakatuita kwa ajili ya mtihani. Et pardon pour l'interview. Kwa ajili ya majadiliano. Quand on m'avait appelé, je crois, un jour après, je n'étais pas en ligne, j'avais éteint mon téléphone pour prier. Wakati walinita mara kwanza nilikuwa nimezima simu yangu ili niombe. Je ne savais pas, j'ai oublié de l'allumer. Na nikasahau kuiwakisha. On m'a appelé, on m'a manqué. Wakaniita na wakanikosa. Et le soir, je causais avec quelqu'un et il m'a dit, est-ce que tu es prête pour ton interview? J'ai dit, ah bon? Je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait. Na jioni nilikuwa sielewe inayopitikana sababu waliniambia kama mimi niko tayari kwa ajili ya majadiliano. C'est cette personne qui m'avait informé que j'avais un interview. Na ni ule mtu ambaye aliniambia kwamba nilikuwa na majadiliano. C'était juste un seul poste, mais ils ont retenu deux personnes, donc ils ont créé un autre poste. Ilikuwa ni kazi moja lakini wakaumba kazi nyingine ikakuwa kazi mbili. Et c'est ce dernier jour là du tournant, le jeudi. Na ni siku ile ya mwisho wa tournée ilikuwa ni siku ya 4. Je venais juste de monter au gradin, on voulait chanter et on m'a appelé. Nilitafuta kuimba na kisha wakaniita. On m'a appelé, on m'a dit tu es confirmé, tu commences le lundi. Wakaniambia wewe umehakikishwa kwa kazi hii unaanza siku ya kwanza. Et je dis merci à Dieu pour ça. Nambariki Mungu kwa ajili ya hiyo. Et j'aimerais dire à quelqu'un. Na ningependa nimwambie mtu. Rater les occasions que Dieu nous donne. Hayombo ukose wakati ambao Mungu anatupatia. Quand le tournant avait été prolongé, wakati tournée iliendelea, ça ne venait pas du pasteur. Haikutokea kwa mchungaji. Ça venait de Dieu. Lakini ilitokea kwa Alors, Mungu. Chaque parole que le pasteur peut nous dire ici, na kila neno ambao mchungaji anaweza kutuambia hapa, considérons-la comme venant de Dieu et non de lui. Tuiangalie kama inatokea kwa Mungu hapana kwake. Nous la considérons ainsi. Wakati tunakamata hivyo, il y a des miracles qui se produisent. Kuna miujiza inayotokea. Merci. Asante. On acclame mieux le Seigneur. Tunamshangilia vizuri Bwana. Comme Dieu a fait ça dans le même programme où tu étais. Jinsi Mungu alifanya hivyo ndani ya mkutano ambao ulikuwa ndani. Que Dieu fasse pour toi aussi parce que tu étais dans ce programme. Acha Mungu akufanyie hivyo sababu nao ulikuwa ndani ya mpango. Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Léo, nous voulons prier. Tunatamani kuomba. Mais j'aimerais quand même finaliser certains points qui étaient en train de traîner. Na ningependa nimalizie nukta fulani ambayo tulikuwa tukizungumzia. J'ai mentionné hier. Jana nilikuwa nikisema. Le chapitre sur les appuis à l'établissement. Juu ya mambo inayosupport kushimikwa. J'aimerais juste vous rappeler certains points, le média peut nous le donner. Na ningependa niwakumbushe nukta fulani media naweza kutusaidia nazo. Alléluia. Amen. Les piliers de l'établissement. Nguzo za kushimikwa. Nous avons vu quelques piliers que vous pouvez vous rappeler. Tuliona nguzo fulani fulani ambao mnaweza kukumbuka. La connaissance du Dieu qui établit. Kumjua Mungu anayekushimika. Quand tu connais celui qui t'a établi. Unapomjua aliyekushimika. Ceux du peuple qui connaîtra son Dieu agiront vaillamment. Miongoni mwa watu watakaomjua Mungu wao watatenda pamoja na ushujaa. Et quand tu le connais, cela te soutient dans ton établissement. Na unapomjua ile na kusupport ndani ya kushimika kwako. Tumesema pia. La qualité de la personne établie. Tu ya hali nzuri ya mtu aliyeshimikwa. C'est-à-dire le vous. Ni kusema wewe. Ce que nous sommes, ce que nous devenons, va nous aider, va nous appuyer. Si nous sommes des personnes de mauvaise qualité, nous allons échouer dans notre établissement. Troisièmement, nous avons parlé tuliweza kuzungumza avancer. De la fidélité. Nous n'avons pas abordé deux points, la fidélité, le point 3 et le point 4. Atukuweza kuzungumzia hii nukta ya 3 na ya 4 juu ya uaminifu. Et le respect, le troisième point, c'est le respect des clauses de ton établissement. Ya tatu ni kuheshimu mapatano ya kushimikwa kwako. Parce que quand Dieu t'établit, il fixe des principes. Sababu wakati Mungu anakushimika anaweka kanuni. Il te donne aussi des promesses. Na nakupatia pia ahadi. 4. 4. Nous avons parlé de l'onction du Saint-Esprit. Tulizungumzia upako wa Roho Mtakatifu. Qui vient en appui à notre établissement. Ambao unakuja kusapoti kushimikwa kwetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, na baadaye, il est ressorti qu'il est important que lorsque j'ai été établi, ilionekana ya kwamba ni muhimu wakati nimeshimikwa, na ninajua mambo haya. Je vais être solide. Napaswa kuwa imara. Dans mon établissement. Ndani ya kushimikwa kwangu. Et durant ces trois jours, na kwa siku hizi tatu, nous étions en train d'aborder trois éléments. Tulikuwa tukizungumzia mambo tatu. Qui aussi viennent en appui. Ambao wanakuja pia kumsaidia. À notre établissement. Kwa kushimikwa kwetu. Et nous avons partagé sur l'assurance de la présence de Dieu. Tuliweza kuzungumza juu ya uhakika uwepo wa Mungu avec nous dans notre établissement. Pamoja nasi ndani ya kushimikwa kwetu. Nous avons partagé sur l'assurance des paroles que Dieu a dites sur nous. Tuliweza kuzungumza juu ya uhakika ya maneno ambayo Mungu amesema juu yetu. Et nous avons partagé aussi hier sur l'engagement de Dieu à soutenir et à accompagner avec efficacité pour l'efficacité de celui qui est lui-même établi. Na jana tuliweza kuzungumzia juu ya kujitoa kwa Mungu kumsaidia na kumsindikiza ili mtu ambaye ameshimika aweze kutumika kwa nguvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons clôturé en partageant sur l'expérience des injonctions de Dieu à Josué. Na tulikuwa tukimalizia tukizungumzia juu ya mambo ambayo Mungu alimwambia Yoshua. Dans Josué chapitre 1 verset 5 à 9. Ndani ya Yoshua sura 1 shahili yake ya 5 hadi 9. Et nous avons vu, na tuliona, que finalement ya kwamba il y a deux réalités qu'il faut retenir. Kuna ukweli mbili ambao sheti ushike. La première réalité, ukweli wa kwanza, c'est l'engagement de Dieu. Ni kujitoa kwa Mungu. Dans cette expérience de Josué. Ndani ya maisha haya ya Yoshua. Et puis deuxièmement, na ya pili, c'est notre rôle à jouer dans notre engagement. Ni kazi ambayo tunapaswa kutumika ndani ya kujitoa kwetu. Dieu dit au verset 5, Mungu anasema kwa shahili la 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hakuna atakaye kupinga kabla utakapokuona ishi. Et cela pouvait laisser à Josué de se reposer et de dire inatosha. Na hapa Yoshua angepumzika anasema sasifi. Parce que si Dieu dit, mana kama Mungu amesema, personne ne tiendra devant moi. Hakuna atakaye nipinga. Et qu'il ajoute, na kisha ongeze, que je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Ça suffit. Si natosha. Mais après qu'il ait dit ça, lakini kisha kusema hiyo, il commence une discussion avec Josué en termes de ce que Josué doit faire. Ananza maongezi pamoja na Yoshua kufuatana na ile ambayo Yoshua anapaswa kufanya. Ce que Josué doit faire. Ile ambayo Yoshua anapaswa fanya. Et que je peux aussi résumer en deux choses. Na ambayo ninaweza kufupisha kwa mambo mawili. Josué doit travailler sur son moi. Yoshua atatumika juu ya umimi wake. Sur lui-même. Juu ya yeye mwenyewe. Pour devenir. Ili akuwe. Une personne de qualité. Mtu wa hali nzuri. Devant Dieu, mbele ya Mungu, devenir une personne selon le cœur de Dieu, awe mtu kufuatana na roho ya Mungu, un homme préparé, mtu ambaye ametayarishwa, et façonné par Dieu pour, na ambaye ametengenezwa na Mungu, son établissement, kwa ajili ya kushimikwa kwake. Mais deuxième chose, lakini jambo la pili, quand vous lisez ce chapitre, le verset 6 à 9, unaposoma shahili la 6 vous allez constater que Dieu essaie de travailler sur l'attitude de Josué en tant qu'homme établi. Parce que quand vous lisez ces phrases, et vous constatez l'insistance de Dieu, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi Dieu insiste comme ça? Il est possible que Dieu a discerné en Josué un certain nombre de déficits ou un certain nombre de carences qui partirait de son attitude. Et si Josué ne travaille pas sur cela, il risque d'échouer. C'est une chose que d'avoir l'appui de Dieu. C'est une autre chose que d'être la personne qu'il faut. D'être la personne qui convient. Mais aussi la personne de qualité. Beaucoup de gens savent faire. Mais ce sont des personnes de mauvaise qualité. Beaucoup de gens peuvent vous épater par leur doigté, leur capacité, leur qualité dans le faire. Mais quand vient le besoin d'opérer avec leur cœur et d'être de bonnes personnes, ils échouent. Dieu peut commencer avec toi et aller loin avec toi dans la préparation jusqu'à te faire confiance et à t'asseoir sur ton trône. Ça ne sera pas fini. Nous sommes le cinquième jour aujourd'hui de ce programme. Mon souci ce soir, c'est d'essayer de clarifier certaines choses, parce que ma prière est que ce soir tu entres concrètement dans ton établissement. C'est un peu comme un parent qui a élevé son enfant et qui l'amène au mariage et qui lui dit j'ai confiance, tu peux voler de tes propres ailes. Ce message veut aussi faire la même chose. Dieu nous a enseigné durant ces deux mois maintenant. Et il veut s'assurer que nous pouvons voler de nos propres ailes. Que nous avons compris que nous sommes équipés, que nous sommes devenus et qu'il nous dise, va maintenant. Vas-y maintenant. Alors ce soir, je voudrais partager sur quelques quatre points. Je vais dire quatre éléments ou ennemis. Les ennemis sournois qui peuvent te retrouver dans ton poste sans que tu le saches. Bila wewe kujua. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nous voulons prier tout à l'heure. Tunatamani kuomba hapa karibuni. Mais pendant que tu seras en train d'aller et d'agir dans ton établissement, lakini wakati utakuwa ukienda na kutumika ndani ya kushimika. N'oubliez pas. Usisahau. Nous avons des établissements diversifiés. Tunakuwa na kushimikwa kwa viwango vingi. Certains sont établis dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu. Moja wameshimikwa ndani ya huduma ama ndani ya kazi ya Mungu. Tous nous sommes établis comme enfants de Dieu. Na sote tumeshimikwa kama watoto wa Mungu. Les autres sont établis comme pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. Wengine wameshimikwa kama vile wachungaji, nabii, walimu na wengine. D'autres établis dans la profession. Wengine wameshimikwa ndani ya kazi. D'autres établis dans le domaine social. Na wengine wameshimikwa ndani ya uwanja wa kijamii. Comme mari, comme papa, comme mume. C'est pas chef de famille. Baba, mwongozi wa jamaa. Tout ça sont des établissements. Hii yote ni kushimikwa. Et comme Dieu a initié ces choses-là dans la société, lorsque tu le joues ce rôle-là, selon Dieu, tu es en train d'accomplir le but divin. Lorsque tu joues le rôle de papa, ou tu entres dans ton établissement de papa, selon tout ce que nous venons d'apprendre, tu seras en train d'accomplir le but divin dans ta vie. Comme maman, kama vile mama, dans une famille, ndani ya jamaa, tu joues bien ton rôle unatumika vizuri à la lumière de tout ce que nous venons d'apprendre. Kufuatana na yote ambayo tumetoka kujifunza. Ton rôle de maman, kazi yako ya mama, à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, sera différent. Itakuwa tofauti. Tu établis comme chef d'entreprise. À partir de ce soir, à la lumière de tout ce que nous venons d'apprendre durant ces périodes, tu seras différent. Les résultats seront différents. L'impact et les retombées seront différents. Mais quand bien même tu serais déjà dans ton établissement, lakini hata wakati utakuwa umekuwa ndani ya kushirika, fais attention à ce que nous voulons partager. Ufanye angalisho na ile ambayo tunatamani kuzungumzia. La première chose, jambo la kwanza, c'est la paresse. Inakuwa ni uvivu. Ennemi sournois, très sournois. Anakuwa ni adui wa siri. La paresse. Uvivu. Frère, sœur, ndugu, dada na kaka, il est facile de faire face à des ennemis qui viennent ouvertement. Ni rahisi kuona maadui ambao wanakuja wakionekana. Mais les ennemis qui viennent par nous, lakini maadui wanaokuja kupitia sisi, nous rongent pendant longtemps sans que l'on le sache. Yanatusumbua muda mwingi bila sisi kujua. Et Dieu ne va pas nous dispenser. Na Mungu hata tuepusha. Et de dire, naseme, tu es paresseux, mon fils, c'est pas grave, vas-y. Wewe ni mvivu mwanangu, oh, mon fils, haiko, comme tu es paresseux. Haiko vigumu, oh, mtoto wangu, jinsi wewe uko mvivu. C'est pas un problème. Haiko tu shida. Vois, dans la vie, il faut se reposer quand même. Upumzike. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna atakaye kupinga. Mais fortifie-toi. Lakini uwe na nguvu. Et prends courage. Na uwe na juhudi. Ah. Si tu as promis que tout va marcher, Seigneur, laisse-moi. Kama umeahidi mambo yote yatendeka, suniache Bwana. Il est écrit dans Romains chapitre 12 verset 11. Imeandikwa ndani ya Warumi 12 mstari. Ayez de l'empressement. Mouwe na et non de la paresse. Apana, soyez fervents d'esprit. Mouwe watu ambao servez l'Éternel. Soyez fervents d'esprit comme papa. Mkuo nguvu kiroho kama vile baba. Pour accomplir ton rôle de papa. Kwa kutimiza kazi yako ya baba. Soyez fervent d'esprit comme pasteur. Uwe nguvu kiroho kama vile mchungaji. Pour accomplir ton but divin comme pasteur. Ili utimize lengo la Mungu kama vile mchungaji. Soyez fervent d'esprit comme chef d'entreprise. Uwe nguvu kiroho kama vile bosi wa kampuni. Soyez fervent d'esprit comme épouse. Uwe roho kama vile mke. Soyez fervent d'esprit. Uwe nguvu wa roho. Comme enfant de Dieu. Kama vile mwana wa Mungu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous connaissons la Bible et nous avons des Bibles. Tunajua Biblia na tunakuwa na Biblia. Mais qu'est-ce qui fait que ça fait trois jours que tu n'as pas lu la Bible? Lakini nini nafanya kwamba imefanya siku tatu au kusoma Biblia? Répondez-moi. Hein? Tu sais que Dieu te demande de ne pas faire ça. Unajua Mungu anakuambia usifanye hivi. Ou alors de faire ça. Ama ufanye hivi. Mais ton cœur de paresse. Lakini moyo wako wa uvivu. Te dit je vais faire ça demain. Inakuambia nitafanya hii kesho. Ça fait vraiment partie de ton établissement. Ni moja wapo ya kushimikwa kwako. Et Dieu attend les résultats vraiment. Mungu anangoja matokeo. Mais tu reportes ça demain. Lakini unaiweka kwa kesho. Et à la longue. Na kwa muda utakao kuja. Rien ne s'accomplit. Hakuna kinachotimilika. Ce que tu aurais fait il y a deux semaines. Ila mbunge pasha fanya wiki mbili imepita. Tu l'as pas encore fait. Haujaifanya. Les résultats que tu aurais récoltés il y a deux semaines matokeo ambayo ungepaswa kupata ne sont pas encore là. Haijafika. Mais tu es quand même dans ton poste. Lakini uko tu kwa kazi yako. Dans ton établissement. Ndani ya kushimikwa kwako. Tu peux te contenter de petites choses. Unaweza kufurahia mambo madogo. Ou des apparats de résultats. Ama ile ambayo inaonekana kama matokeo nzuri. Bwana sifiwe. Amen. Si tu vois quelqu'un se fatiguer, tu le bouges. Hein? Kama unaona mtu akichoka na mtingiza. Tu le bouges, ça le touche. Utamtingiza bila kumgusa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bwana sifiwe. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Naweza kumshangilia Bwana. La paresse. Uvivu. La femme vertueuse dit ceci dans Proverbe 31:17. Mwanamke wa tabia nzuri anasema hivi ndani ya kitabu cha Mezali. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Mume wake anasema hakule mkate ama chakula cha uvivu. Et si c'est le papa? Na kama ni baba. Le papa ne mange pas le pain de la paresse. Baba hakule chakula cha udhaifu. Cha uvivu. Il ne mange pas le pain de la paresse. Hakule chakula cha uvivu. Une fille a dit un jour à son père. Kuna binti moja alimwambia baba yake siku moja. Son père était très riche. Baba yake alikuwa tajiri sana. Et il voulait lui laisser l'héritage. Na alitamani kumwachia urithi. Et dit à son père. Na namwambia baba yake. Je ne prends pas. Sitakamata. Je préfère faire moi-même ma vie et commencer mes propres affaires. Ninahitaji mimi mwenyewe nianze maisha yangu na nianze biashara yangu mwenyewe. Pour toi ou donne ça à quelqu'un. Umpatie mtu mwingine. Et veut pas manger le pain de la paresse. Hataki akule ile chakula cha uvivu. Nous nous battons aujourd'hui pour l'héritage. Leo tunapigana juu ya urithi. Beaucoup de gens sont paresseux. Watu wengi ni wavivu. Et ils se contentent de ce que leurs parents ont fait. Na wanatosheka tu na ile ambao wazazi wao walifanya. Comme papa a réussi. Jinsi baba kabisa alifanikiwa. Ça suffit. Inatosha. Je me repose, je navigue, je me promène, j'attends que papa meure. Ninapumzika, ninatembea, ninangoja baba akufe. Paresse. Uvivu. Et cette paresse est quelque peu vraiment dans l'esprit de certaines personnes. Au point que tu peux t'étonner de cette personne, il vit comme s'il a l'éternité. C'est comme s'il a tout le temps. Il vivra 500 ans. Il ne sait pas qu'il n'a que 60, 70, 80, 90. Hajui ya kwamba anakuwa na miaka tu 60, 70, 80 ama 90. La paresse. Uvivu. Maintenant Dieu t'a établi. Sasa Mungu amekushimika. Et la paresse peut te visiter. Na uvivu naweza kukutembelea. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Vous avez observé certains de nous. Mumona wa moja kati yetu. Tu es chef d'entreprise. Wewe ni boss wa kampuni. Tu as une profession. Unakuwa na kazi. Et comme tu as vaincu la paresse, et qu'il y a un rapport à finir, et qu'il est déjà 18h, tu prends les affaires, tu vas poursuivre le rapport à la maison. Mais un paresseux fait comment? Je vais rentrer dans ça demain. Et le chef attend le rapport le matin. Et quand tu viens le matin, ton téléphone sonne. Si je peux maintenant avoir les rapports. Je n'ose kupata sasa ripoti. Oh non, chef. Oh non, na bossi. Tu vois normalement. Sunona. En effet, comme. Sunona jisi. Du fait que. Sunona kufuatana na. Esprit de paresse. Inakuwa ni roho ya uvivu. J'aimerais dire à quelqu'un. Ningependa nimwambie mtu. Tu peux vraiment aller loin dans la vie. Unaweza kabisa kwenda mbali maishani. Si tu réussis à gérer ou à maîtriser cette affaire de paresse. Kama unaweza kuwa na nguvu juu ya hii uvivu. Certaines mamans paresseuses wanawake wengi préparent mal pour leur mari. Wanapiga wa mama wavivu wanapiga chakula mbaya kwa ajili ya waume zao. Elle arrive à sa cuisine. Anafika kwenye mafiga yake. Kupigaka kila siku tangu niliolewaka mwibu nyumba kupigaka njo kupigaka je suis marié dans ce foyer c'est toujours préparé ça prend là on met la chambre on met le feu là nafanya tout kitu kabisa mbio la paresse intérieure pour vivre wa ndani c'est vrai ni kweli il y a même des paresseux kuna wavivu dans leur chambre ndani ya machumba zao. Non, je n'ai rien dit. Ah, mimi sikusema kitu. Bwana asifiwe. Amen. La paresse est cruelle pour notre état. Uvivu inauza, inaweza kuua kushimikwa kwetu. Elle est cruelle la paresse. Inaweza kuua uvivu. Elle peut te faire virer au travail. Inaweza kufukusisha kwenye kazi. Le chef t'a demandé rapport demain matin, il n'y en a pas. Bosi alikuomba ripoti kesho asubuhi na hauna. Et pourquoi hier tu n'as pas fini? Na sababu gani jana haukumaliza? Parce que sur les 8 heures de travail, sababu tu ya sanane ambao zonge tu as été dans les rapports pendant 2 heures. Ulikuwa tu ndani ya ripoti saa 2. Et 7 heures dans le téléphone. Na saa 7 ulikuwa tu na chat ndani ya simu. Et tu n'as pas fini le rapport. Na ukumaliza ripoti. Mais un courageux est un homme, une femme qui a vaincu la paresse. Lakini mwanaume mwanamke ambaye ameshinda uvivu. Il fait d'abord ce qui est important. Anafanya kwanza iliyo muhimu. Et les choses accessoires. Na mambo mengine. Il viendra sur ça plus tard. Aha, atairudilia baadaye. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Dans ton établissement, qu'est-ce qui est vraiment important? En tant qu'épouse, qu'est-ce qui est important pour toi comme épouse de quelqu'un et maman de quelqu'un? Et comment tu t'occupes de ça avec courage? Comment tu le fais? Na namna gani unaifanya pamoja na juhudi? Dans ton ministère. Ndani ya huduma yako. Qu'est-ce qui est vraiment important? Nini ndio ya muhimu? Tu vas dans l'évangélisation. Unaenda ndani ya kuhubiri injili. Et tu toques même chez quelqu'un. Na unapiga hodi kwa mtu. Tu es venu évangéliser. Umekuja kuhubiri. Et puis tu le trouves à table. Na kisha unawakuta kwenye meza. Tu fais comment? Unafanya nini? Karibu kumeza. Approche à table. Tu fais comment? Unafanya nini? Sitare. Je t'en prie. Tu es à table. Unakuwa kwenye meza. Et quand tu finis? Na unapomaliza. La télé est allumée, le match a commencé. Ah, wamewakisha runinga mechi imeanza. Tu fais comment? Fermez d'abord la télé. La télé à basse. Est-ce que c'est ta télévision? Télé à est-ce que tu vas arrêter la télévision d'autrui? Et tu te dis, ok, on suit d'abord le match. Et puis tu suis le match avec eux. Et quand le match finit, il y a les parents de ce couple qui vient d'entrer. Wazazi wa ndoa wa ile ndoa wanaingia ndani ya nyumba. Toi tu es un visiteur inconnu là. Oh, uko tu mgeni hawakujua hata. Paresseux. Mvivu. Et les parents prennent contrôle. Na wazazi wa ndoa na. Et il est 21h. Inafika saa 3 za usiku. Tu dois repartir. Unapaswa kurudi. En fait, je voulais venir vous partager l'évangile. Oh, nilitamani kuja kuwapasha habari njema. Et les enfants dans le cœur qu'ils devaient manger deux morceaux. Na watoto ndani ya mioyo ambao wangepaswa kula. Ce n'était plus deux, c'était ils ont mangé moze. Na l'évangile wewe ulikuwa kula kumugali wewe. Toi tu n'es pas venu prêcher l'évangile, tu es venu manger bouffer notre foufou. Donc je vais revenir demain. Oh, nitarudi kesho. Et les enfants c'est pique. Na watoto wananyotana. Demain maman il faut préparer avant. Mama kabisa kesho pige mbio. Paresseux évangéliste là. Oh, mouvivu, mouvangéliste, mouvivu. Est-ce que cet évangéliste sait qu'il est paresseux? Je ou mouvangéliste en a joué à combat et ne mouvivu. Parfois, il ne se rend même pas compte. Mara haelewe hata. Il pense que c'est normal. Anawaza kama ni kawaida. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas paresseux? Uliza jirani yako, je hauko mouvivu? Amen. Le deuxième ennemi caché, c'est la négligence. Adui wa pili ambao anajificha, ambao anakuja kwa siri ni kuzarao. La négligence. Kuzarao. Dans Jérémie 48, verset 10, il est écrit. Jérémie 48, mstari wa 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Alainiwe yule ambao anafanya kazi ya Mungu pamoja na zarao. Vous voyez maintenant, unaona sasa? Il y a beaucoup de gens qui se sont maudits eux-mêmes. Kuna watu wengi ambao wamejilani wao wenyewe. Par leur propre négligence. Kupitia kuzarau mambo yao wenyewe. Seigneur, comment tu dis maudit? Bwana, sababu gani unasema alainiwe? Mais c'est très fort. Sinakuwa ya nguvu sana. La négligence seulement. Kuzarau tu. Seulement pour la négligence. Kuzarau tu. Vous savez, quelquefois, unajua vous passez par une vie compliquée, difficile. Unapitia maisha magumu. Et vous commencez à chercher des gens qui vous ont maudit quelque part. Na unaanza kuwatafuta watu ambao walikulaani. Tu vas même voir tes parents pour dire, papa, c'est comme si tu m'as maudit. Na unaenda kumwambia baba, inawezekano linaani baba. Je n'étais pas maudit. Mimi sija kulaani kabisa. Quel est le problème? Shida ni gani? Négligence. Kuzarao. Correspond à maudit. Soi. Ina amanisha alainiwe. À partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, alors que tu entres dans ton établissement, unapoingia ndani ya kushimikwa kwako, maîtrise tous ces petits bandits qui viennent dans ta vie. Aha, uwashinde hao mabandia wadogo wadogo wote wanaokuja mashimo. La négligence. Kuzarau mambo. La négligence. Kuzarau. Il est écrit dans 2 Chroniques 29:11. Imeandikwa ndani ya mambo ya siku ya pili. Maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Sasa watoto wangu muache kuzarau mambo ya muhimu. Mes fils, cessez d'être négligents. Watoto wangu muache kuzarau mambo. Écoutez la suite. Msikilize na ufuate. Car vous avez été choisis. Mana mulichaguliwa. Par l'Éternel. Na Bwana Mungu. Vous avez été choisis par l'Éternel. Pour vous tenir à son service. Devant lui. Pour être ses serviteurs. Et pour offrir des parfums. Vous avez été choisis. Pas par un voisin. Pas par les policiers du quartier. Pas par quiconque. Vous avez été choisis par l'Éternel. Ça c'est grave. Qui vous a choisi? L'Éternel. Alors cessez d'être négligent. Mais il vous a choisi comme quoi? Comme papa. Comme vile baba. Est-ce qu'il y a un papa ici? Je kuna baba hapa. Comment tu es devenu papa? Umegeuka baba namna gani? Tu penses que c'est rien comme ça? Unawaza ni bure tu hivi? Tu as été choisi par l'Éternel. Umechaguliwa na Bwana Mungu. Pour être papa. Ili uwe baba. Alors cessez d'être négligent. Et les mamans, wa mama, avant que tu te maries, mbele, est-ce que tu as déjà un jour mesuré la quantité de prières que tu as fait? Je unaweza kupima ile maombi ambayo ulikuwa unafanya. Tu as dit à Dieu combien de paroles? Ulimwambia Mungu maneno ngapi? Tu lui as offert combien de jeûnes? Ulifunga mara ngapi? Et depuis que tu es dans le foyer, na tangu wakati ulipopata ndoa huko ndani ya nyumba, tu es négligente. Unaanza kudharau. À ce temps-là, avant le mariage, tu n'étais pas négligent. Avant de sortir de ta chambre, tu t'assurais que chaque chose est à sa place. Le cheveu qui doit être devant l'œil est à sa place. Ou que tu le bouges chaque fois que tu vas voir les frères. Tu t'assurais que chaque chose est bien taillée. Depuis que tu es entré dans le foyer, tu as gagné. Aha, sumeweza. Motuache. Laisse-nous. Tu manges n'importe comment. Unakula kila kitu. Hata barabarani. Par jour même un kilo de viande. Na kwa siku nakula hata kilo moja nyama. Tu es devenu négligente là. Na umekuwa mtu wa kudharau. Tu prenais soin de toi-même. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Et depuis que tu es au foyer, tu es parti, c'est fini. Umeenda, vimeisha. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Je parle de la négligence. Nazungumzie kwa dharau. Beaucoup de gens, watu wengi, ont soumis leur mari à des choses, wamewatuma waume wao comme des faits naturels, kama vile matukio tu ya kawaida, alors que c'est le produit de leur négligence. Ijapokuwa ni matokeo ya kudharau kwao. Upuzi. Cessez d'être négligent. Mwache kuwa watu wapuuzi. Lorsque tu entres dans le poste de ton établissement, cesse d'être négligent. Acha kuwa mtu mpuuzi. Cesse. Acha. On t'a choisi pasteur ou évangéliste ou serviteur ou responsable de cellule. Wamekuchagua mchungaji, mwinjilisti ama mwongozi wa shirika. Cesse d'être négligent. Acha kuwa mpuuzi. Tu es chef d'entreprise. Wewe ni boss wa kampuni. Cesse d'être négligent. Acha kuwa mpuzi. Parce que c'est l'Éternel qui a permis que tu sois là. Sababu ni Bwana Mungu aliyeruhusu uwe hapo. Si vile ma fille. Maintenant le 4 juillet. Tarehe ine mwezi wa saba. Dieu te donne du travail. Mungu anakupatia kazi. Et tu viens de témoigner. Na umemaliza kushuhudia. Kisha tusikia sasa unaharibisha ile kazi. Et puis on écoute que tu as abîmé le travail d'autrui. Par ta négligence. Kupitia kudharau kwako. Si umeshuhudia que Mungu ndio amefanya. Tu as témoigné que ce Dieu qui a fait. Cessez d'être négligent. Mwache kuwa car opuzi. Vous avez été choisis par l'Éternel à son service. Kwa kazi yake. Chaque établissement na kila kushiriki est un service pour l'Éternel. Inakuwa ni kazi kwa ajili ya Mungu. Tu es papa de quelqu'un. Wewe ni baba wa mtu. Tu es au service de l'Éternel. Uko na mtumikia Mungu. Pour paître ces petits garçons et petites filles. Ili uchunge wale wa vijana na wa vulana wadogo. Alors cesse d'être négligent. Sasa acha kuwa mpuzi. Troisième ennemi. Adui wa tatu. La bassesse. Inakuwa ni kufanya mambo ya utoto. La bassesse. Utoto. On peut dire aussi la frivolité. Unaweza kuzungumza juu ya kutumika vitu kama utoto. Le synonyme c'est être futile, être vain, être sot. Kuwa mtu ambaye ni mpumbafu. Être pas sérieux. Kuwa mtu ambaye haiko mtu mkamilifu. La bassesse. Utoto. Il est écrit dans Psaume 12:9. Imeandikwa ndani ya Zaburi. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Inaandikwa ya kwamba adui anatembea kwa uhuru wakati utoto unatawala ndani ya watu wana wa watu. Le diable va se promener dans ton établissement. Shetani atatembea ndani ya kushimikwa kwako. Si tu acceptes que la bassesse pénètre dans ton système. Ukikubali utoto uingie ndani ya uongozi wako. Si tu es frivole. Kama wewe ni mpumbafu. L'ennemi va se promener librement. Adui atatembea kwa uhuru. Et tu vas perdre ton établissement. Na utapoteza kushimikwa kwako. Il y a une expérience triste. Kuna mambo ya kuhuzunisha. Que vous trouvez dans Juges chapitre 6 verset 28. Ambao unakuta ndani ya Waamuzi 6:28. Juges chapitre 16 verset 28. Waamuzi 16:28. On peut lire ça ensemble. Tunaweza kuisoma pamoja. Regardez avec moi. Mwangalie pamoja nami. Alors, 1, 2, 3. Alors, na sasa Samson invoqua l'Éternel. Akamwita Mungu. Jusque là, est-ce que c'est bon? Je, ni vizuri mpaka hapo? Invoquer l'Éternel. Kumwita Mungu. C'est bien, non? Si ni vizuri. Il y a un problème. Kuna shida. J'évoque l'Éternel. Ninamwita Mungu. Et il dit. Na kasema. Seigneur. Bwana. Éternel. Mungu. Point d'exclamation. Inakuwa ni alama ya kushangaa. Ça veut dire kushangaa. Il est en train de prier de tout son cœur. Ni kusema iko naomba na moyo wake wote. Souviens-toi de moi. C'est bon jusque-là? Ni vizuri mpaka hapo. Ok. Et il dit, je te prie, oh Dieu. Ninakuomba, eh Mungu. Il prie avec son cœur. Anaomba na moyo wake. C'est vrai. Ni kweli. Donne-moi. Unipatie. Allons-y. Twende pamoja. Donne-moi de la force. Unipatie nguvu. Seulement cette fois. Hii mara tu. Et que d'un seul coup, na kwa, je tire vengeance des Philistins kwa mara moja nilipize kisasi kwa Wafilistini pour mes deux yeux. Kwa ajili ya macho yangu mbili. Unaharibisha maombi. Tia, abime la prière. Dieu a dit à Manoa. Mungu akamwambia Manoa. Cet enfant que tu vas concevoir. Mtoto huyu ambao utapata mtapata. Délivrera Israël des Philistins. Atawaokoa Israeli toka mikono ya Wafilistini. Et vous connaissez l'histoire de Samson, il a navigué dans les femmes et dans les choses. Na mnajua Samson jusqu'à ce qu'on lui a troué les yeux, il est devenu un jouet des Philistins. Na kageuka kichekesho cha Wafilistini. Les cheveux ont commencé à pousser. Na wakati nywele zilianza kuota. Il fait cette prière. Anafanya ombi hili. La prière commence bien. Ombi inaanza vizuri. Mais révèle la bassesse. Lakini inaonyesha upumbavu. À sa fin. Kwa mwisho wake. Tu es chargé de délivrer tout un peuple. Wewe unahusika kuokoa taifa nzima. Les cheveux commencent à pousser. Na kisha nywele zinaanza kuota. Au lieu de te ressaisir. Pahali pa kukamata samiri. Et de dire Seigneur. Na useme Bwana. J'avais fait couper mes cheveux sur les cuisses d'une femme. Comme ça commence à pousser, pardon. Walinikata nywele yangu nikikuwa jua mwanamke sasa samani chizi inaanza kuota nitafanya yote pour libérer le peuple d'Israël. Nitafanya yote kwa kuokoa taifa la Israeli mikononi mwa hao wa Filistini. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Lakini anaanza kuhadisia nini? Que je me venge. Nilipishe kisasi pour mes deux yeux qu'on a troué. Juu ya macho yangu mbili waliotoboa. Quand tu fais des prières, unapofanya maombi, tu le fais pour quel motif? Unaifanya kwa ajili ya sababu. Maintenant que tu es dans ton établissement, sasa umekuwa ndani ya kushimikwa kwako. Dans ton établissement, ndani ya kushimikwa kwako. Tu fais les jeûnes. Samson pouvait jeûner aussi. Si Samson na yange pasha funga. Tu fais des jolies prières. Unafanya maombi mazuri. Même dans ces programmes de prolongation. Hata ndani ya hii mkutano inayoendelea. Tu fais des bonnes prières. Unafanya maombi mazuri. Des jolies prières. Unafanya maombi ya kupendeza. Mais ces prières se terminent par quel mot? Lakini maombi haya yanaishia kwa neno gani? Seigneur, donne-moi un mariage. Bwana unipatie. Pour que cette voisine là cette fois, je me venge. Ili ule jirani le jour où je vais me pouvoir nous présenter à l'église. Siku ambao watatuonyesha kukanisa. Je vais défiler, je ne me mettrai pas, je vais aller au fond de la salle. Nitaenda kule mwisho kabisa ya kanisa. Quand je vais me prendre, je commence au coin là-bas, je commence à marcher. Ninazia kule kumwisho hadi kila mtu anione. Je veux me venger d'elle. Nahitaji nimlipishe kisasi. Et si on écoute tes prières, avant que tu mettes ta conclusion, ce sont des prières bien. Ce sont des belles phrases comme Samson. Mais la bassesse t'a déjà attrapé. Alors que tu es dans ton établissement. Quand je vais commencer à prêcher, les gens vont commencer à tomber. Et pour que ça arrive, je fais quoi? 80 jours de jeûne et prière. Et durant ces 80 jours, je respecte le principe de la prière. Je commence par 20 jours de repentance. Et puis 15 jours de louange. Tu respectes tout ça. Avec comme motif, les gens commencent à tomber là. Lorsque je suis en train de marcher, les gens tombent à côté de moi. Et puis les démoniaques commencent à crier là. Et puis. On prie bien. Unomba vizuri. Mais la bassesse est déjà entrée dedans. Lakini ujingo umeshaingia ndani. Et quand la bassesse vient à ton cœur. Na wakati ujingo unakuja moyoni mwako. D'un homme et une femme établis, le diable va venir se promener. Ça veut dire quoi? La bassesse est une porte d'entrée pour les démons. Les démons vont venir te visiter dans ton lieu saint. N'avez-vous pas même observé quelquefois que vous êtes parti en retraite? Et que le diable réussit à mener des tentations dans la retraite. Curiosité, tout ça. Maombi. Et puis dans le téléphone ou la machine. Dani, computer. Vous voyez ce genre de trucs, quand vous cliquez ici, il y a quelque chose qui s'ajoute aussi que tu n'as pas autorisé. Et puis, c'est quoi cette histoire-là? Tu vois que ça risque d'être du porno ou de quoi? Et puis, mais tu es en retraite. Et puis, ta prière est morte. Après avoir navigué dans cette chose qui vient de t'arriver, tu dois remonter. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je recommence le programme de repentance. Tu recommences. Tu allais faire 3 jours. Tu sens que le 3e jour, c'est comme si tu n'as même pas encore prié. Parce que la souillure est venue te rejoindre dans ton lieu saint. À cause de quoi? Quand la bassesse règne, l'ennemi se promène librement. La bassesse. Ujinga. Je parlais avec une maman un jour dans une ville. Il y a un ministère de suivi. Et puis elle vient pour les entretiens. C'est quoi? Nini? Et puis elle pleure. En fait, kweli, chaque fois que le grand frère de mon mari kila mara wakati mkubwa wake venait chez nous à la maison, alikuwa anakuja kwetu nyumbani. Le mari me disait d'aller dormir dans la chambre des enfants. Parce que dans notre culture, le respect du grand frère, quand il vient chez toi, il faut que tu lui laisses les lits. Mume wangu alikuwa ananiambia ya kwamba inaomba niende lala ndani ya chumba ya watoto sababu ndani ya mila yao wakati mkubwa wa mume anakuja inaomba muachie kitanda. Et puis ça fait longtemps. Na kisha nafanya siku nyingi. Et c'est bon kilo commençait à venir le plus souvent. Na ule mkubwa wake na shemeki yangu alikuwa anakuja kila mara. Un jour il m'a dit. Na siku moja akaniambia. En fait, tu as acheté les uniformes des enfants ici, c'est joli comme ça là. Uliuzia mavazi ya watoto wapi? Tu peux aller me montrer là où tu as acheté ça. Je unaweza kunionyesha mali ambapo ninunulia. Elle dit c'est en ville. Anasema ni mjini. Comme ça demain on va aller. Oh, kesho tutaenda basi. Et puis on va en ville. Na kisha tukaenda mjini. Mama accompagne les grands frères de papa. Mama anamsindikiza semiki yake. Ils arrivent en ville. Wanafika mjini. Avec tout le respect que je vous dois. Kwa heshima yote ninayo mbele yako. Le grand frère dit bon, j'ai faisons un crochet ici. Et na, puis c'est curieux, c'est dans un hotel. Inakuwa ni ndani ya hoteli. Et avec respect. Na pamoja na heshima. Tout le respect que je vous dois. Kwa heshima yote ninayokupa. Elle accompagne Papa Kulutu. Ana msindikiza shemeki. Là dedans. Humo ndani. Et le pire arrive. Maintenant, elle vient voir les serviteurs de Dieu pour dire, je ne sais pas comment je vais dire à mon mari. Na nakuja ona mtumishi wa Mungu sijui nitaambia mume wangu namna gani. Parce que dans notre culture, sababu ndani ya mila yetu, c'est le chibao. Donc c'est possible que je vais mourir là. Inawezekana naweza kufia hapo. But aide-moi. Sababu unisaidie. Est-ce que je dois lui dire? Je ne mwambie. Je vais mourir. Nitakufa. Qu'est-ce qui a mené à ça? Nini ambao ulileta hiyo? Quand la bassesse règne. Wakati ujinga utoto unatawala. Au milieu du pays. Miongoni mwa watu. L'ennemi se promène librement. Adui anatembea kwa uhuru. Tu es établi femme de quelqu'un. Umesimikwa kama mke wa mtu. Et tu te laisses prendre comme ça. Na kesho unajiachilia kukamate tu hivyo. Et tu ne négocies pas avec ton mari pour dire attention. Na useme pamoja. Il doit aller dans notre lit. Na useme hata na mume wako. Namna gani anapaswa kuingia ndani ya kitanda. Il va risquer de penser à celui qui dort ici. Toi tu vas dormir là-bas. Et lui dort ici là où quelqu'un dormait. Sita ataanza kufikiria ule ambaye analala hapa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la bassesse règne, wakati ujingo natawala, l'ennemi va se promener librement. Adui atatembea kwa beaucoup de gens ont été fauchés dans leur vie. Et ils ont dit, il m'a piégé, elle m'a piégé parce que tu avais laissé passer la bassesse. Watu wengi wamejuta maishani mwao sababu waliacha ujinga kuingia maishani mwao. Et certains l'ont regretté toute leur vie. Na wengine wameijuta hata maisha yao yote. Tu étais déjà établi. Ulikuwa umeshashimikwa. Mais la bassesse t'a fait perdre quelque chose d'important. Lakini ujingo umekupoteza kitu cha muhimu sana. Elle t'a fait perdre ton avenir. Imekupoteza ujao wako. Tu étais vraiment établi. Ulikuwa umeshimikwa hakika. Mais la bassesse est entrée. Lakini ujinga ukaingia. Sans que tu le saches. Bila wewe kujua. Quatrième chose. Jambo la nne. Qu'il faut vaincre. Ambao inaomba kushinda. La légèreté. Ni kukamata mambo kwa reja reja. Daniel 5, 27, il est écrit. Danieli. Daniel 5, 27. Danieli 5, 27. Il est écrit, tu as été pesé dans la balance. Imeandikwa kwamba umepimwa. Et tu as été trouvé léger. Na umekuta ya kwamba wewe uko reja reja. C'est le roi de Babylone. Huu ni mfalme wa Babyloni. Belsatar. Belsazari. Et il a perdu. Na kapoteza. Babylone, c'était la grande empire. Babylone ilikuwa ni ufalme kubwa. Un peu comme les États-Unis d'aujourd'hui. Na ilikuwa kama Marekani ya leo. Mais à cause de la légèreté. Lakini sababu ya kukamata mambo reja reja ya mfalme. Le pays a été ruiné. Nchi yote ilibomoka. Légèreté. Kamata mambo kwa reja reja. Tu traites les dossiers avec légèreté. Unakuwa ukiangalia. Tu prends des décisions avec légèreté. Unakamata maamuzi pamoja na reja reja. Tu te réveilles le matin. Unamka asubuhi. Tu ne sais pas ce que tu vas faire la journée. Haujui utafanya mchana nini. Quand tu te réveilles le matin, tu savais ce que tu allais faire? Je ulipoamka asubuhi ulijua ile ambayo ungepaswa fanya. La plupart, on se réveille le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire la journée là. Watu wengi wanamka asubuhi wajua watafanya nini mchana. Et on coule avec les amis qui vont venir. On coule avec les circonstances de la journée. Tu mènes ta vie avec légèreté. Pourtant, tu es établi. Hein, les mamans. Mama. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu sais ce que ton mari va manger ce jour-là? Ou bien ça va venir. T'ajoua tout, mchana. Amo tapata ufunuo mchana. Je saurai. Je. Tapata ufunuo. Tapata ufunuo. La légèreté. Kukamata mambo kwa reja reja. Que des sœurs ont été ramassées par de bien-aimés pour un accoutrement léger. Tu t'accoutres légèrement. Tu veux te sentir toi-même. Non, c'est que j'isikia. Tu veux te sentir. Tu te séduis toi-même. En fait, quand tu te mûres, quand tu t'arranges le matin, tu essaies de te rassurer que tu te séduis toi-même. Comme je me séduis, c'est que les autres vont te séduire aussi. Légèreté. Kukamata mambo kwa reja reja. Et les gens qui vont te voir sur l'avenue, sur la rue, na watu watakao kuona kwenye barabara, vont conclure que tu cherches quelqu'un. Watasema uko natafuta mtu. Et quand tu avances dans la rue, unapotembea tu ndani ya barabara, tu as des yeux radar. Unakuwa na macho na angalia mahali pote. Tes yeux vont là-bas et là-bas. Pour vérifier si les gens sont, s'il y a des victimes expiatoires. Il y a combien de victimes qui tombent? Finalement, tu vas jusqu'à l'église et tu entres même à l'église. En train de compter les victimes. Ukiangalia sadaka za kuteketeza. Ça coûte que tes. La légèreté. Kukamata mambo kwa reja reja. Et à la fin de la journée. Na kwa mwisho wa mchana sasa. Tu as fait combien de victimes? Ulikuwa na sadaka za kuteketeza ngapi? Demande aux voisins, depuis le matin, où est-ce que tu es en gapi? Tu as expié combien de victimes depuis le matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La légèreté. Ukamata mambo kwa reja reja. Cinquièmement. Yatano. Le découragement. Dans Isaïe 42, verset 4, il est écrit au sujet de Jésus-Christ. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Caleb dit Caleb à Josué, ndani ya Yoshua, dans Josué 14, 8. Wa ine, wa il dit, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Anasema, ndugu zangu waliopanda pamoja nami wakavunja moyo taifa. Mais moi, lakini mimi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Nikaifuata njia ya Bwana yote. J'ai refusé de me décourager. Na nikakataa kuvunjika moyo. Refuser de se décourager. Kataa kuvunjika moyo. C'est suivre pleinement la voie de l'Éternel. Ni kufuata njia yote ya Mungu. Nous avons parlé il y a deux dimanches de la voie, les voies de Dieu. Tulizungumza kuna wiki mbili tu ya njia za Mungu. Caleb dit, moi j'ai suivi pleinement. Na Caleb anasema mimi nimefuata njia yote. Okay, on offre à Dieu en même temps. Tunakuwa tukimtolea Mungu. On offre comme ça quand on va commencer à prier, on n'aura plus à Mettons nos offrandes là-dedans. Bwana sifiwe. Amen. J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Je ne me suis pas découragé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me suis pas découragé. C'est décourager. C'est s'écarter de la voie de l'Éternel. Lorsque tu es établi, évite de te décourager. Parce que nous avons tous ces appuis que nous venons de partager durant ce temps. Nous avons tous ces piliers qu'on a partagés. Nous avons toutes ces connaissances que nous avons apprises. Pour quelle raison tu vas te décourager? Parce que les défis que tu rencontres ont des répondants dans ton établissement, dans les provisions, dans les prérogatives de ton établissement. Autrement dit, tu as les solutions des choses qui constituent des défis qui veulent te décourager. Les choses qui te dérangent là, tu as des solutions contre ça dans la provision divine de ton établissement. Tu as des réponses. J'ouvre ici une parenthèse pour rappeler quelque chose. Il y a la foi qui donne et à la foi qui reçoit. La base de la foi qui reçoit ou qui prend, c'est l'expérience de la femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans. Ni inakuwa kama vile historia huu mwanamke ambaye alitoka miaka damu miaka 12. Elle a utilisé la foi qui prend. Alitumia ile imani inayochukua. Personne n'a prié pour elle. Na kuna aliyemwombea. Elle est allée par la foi. Na alienda kwa imani. Prendre dans Jésus. Kuchukua ndani ya Yesu. La guérison à elle kwa qui yake était dans Jésus. Elle a pris la guérison. Ile elle est partie avec. Nao. Et Jésus a constaté que quelqu'un vient de prendre quelque chose de moi. Na Yesu ya kuna mtu tout à l'heure, on va prier. Hapa sasa tous nos problèmes shida zetu zote ne consistent pas à chasser les démons. Ziusu certains problèmes consistent à prendre ce que nous avons besoin. Kuna shida ambazo zinahusu kuchukua ile ambayo tunahitaji. Vous avez capté? Mesikia. Ça, c'est la foi qui prend. Hii ni imani inayochukua. Il y a la foi qui donne. Kuna imani inayopana. Sa base biblique, msingi wake wa kibiblia, c'est l'expérience de Pierre dans Acte 3. Inakuwa ni maisha ambayo aliishi Petro. Je n'ai ni argent ni or, sina pesa ama dhahabu, mais ce que j'ai, lakini ninayo, je te le donne. Ninaikupatia. Et effectivement, il vient de donner la guérison. Na hakika alikuwa amepana uponyaji. Effectivement, cette personne vient de guérir. Hakika ule mtu amepona. Pierre Petro a pris la guérison qu'il avait alichukua uponyaji aliyokuwa nayo dans la foi, ndani ya imani, et il a transmis ça au paralytique. Na akaipatia ule et le paralytique na kiwete a reçu la guérison en question. Akapokea ile uponyaji. La guérison de la femme uponyaji wa mwanamke était immatériel. Ilikuwa haiwezi kuguswa. Mais dans le dépôt Jésus. Lakini ilikuwa ndani ya gala Yesu. La guérison du paralytique uponyaji wa était immatériel. Uponyaji wa kiwete ilikuwa dans le dépôt Pierre. Ndani ya gala Petro. Dit à ton voisin. Ambia jirani yako. Tu es aussi un dépôt de solutions. Naona kuwa ni gala ya majibu. Dis-lui tout à l'heure nitakuya toi la solution zangu zenyu kumweye. Dis-lui tout à l'heure, je viendrai prendre mes solutions qui sont en toi. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Ça s'angalia. Lorsque tu es établi, wakati umeshimikwa, tu dois fonctionner avec ces deux choses. Unapaswa kutumika na mambo haya mawili. Dans ton établissement, ndani ya kushimikwa kwako, il y aura des choses qui manquent. Kuna mambo ambayo yatakosekana. Dieu a prévu na Mungu ametayarisha que ces choses qui manquent, ya kwamba mambo haya tu dois les récupérer par la foi. Uende uitoe kupitia imani. La foi qui prend. Imani inayotoa. Mais certaines choses que tu dois réaliser dans ton établissement, tu vas les produire par la foi qui donne. Prends ta Bible, nous allons lire quelque chose rapidement pour clôturer. Jérémie chapitre 1er verset 5. Yeremia sura moja mustari wake wa 5. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Mko hapo. Jérémie 1. Yeremia moja. Ce texte est très merveilleux mais que nous connaissons tous. Ni andiko la mzuri sana ambalo tunalijua sote. Mais ça va nous éclairer dans cette étape où nous sommes arrivés. Na ita tuangazia ndani ya hii hatua ambayo tumeifikia. Regardez. Tazama. Dieu dit, avant que tu fies aussi dans le sein de ta mère, Mungu anamwambia mbele uingie ndani ya tumbo ya mama yako. Je t'avais établi prophète des nations. Nilikujiona nilikushimika kama vile. Donc je t'ai établi. Nilikushimika. Maintenant. Sasa. Jérémie répond. Yeremia anajibu. Ah Seigneur éternel. Oh Bwana Mungu. Je ne sais pas parler. Sijui kusema. Car je suis un enfant. Sababu si mimi ni mtoto. Et l'Éternel me dit. Na Bwana kaniambia. Ne dis pas je suis un enfant. Usiseme mimi ni mtoto. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je vais t'envoyer. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Na utawaambia yote nitakayokuambia. Ne les crains point car je suis avec toi. Na usiogope sababu niko pamoja nawe. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Tout ceci ramène ou rappelle tout ce qu'on a appris comme appui, comme engagement de Dieu pour nous faire réussir et tout ça. Ça y est là. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici ma main touche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et puis verset 10. On peut lire attentivement ça ensemble. Regarde. Tazama. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises. Jusqu'à cette virgule-là, c'est la foi qui la foi du combat. La foi qui lutte. La foi qui pose des actes violents. La foi qui arrange le terrain. Imani ambayo inatengeneza uwanja. La foi qui enlève les obstacles. Imani ambayo inaondoa vitisho. La foi qui écrase l'ennemi. Imani ambayo inamvunja adui, inambomoa. Mais dans la suite il dit. Lakini ndani endelea anasema. Pour que tu bâtisses. Ili ujenge. Et que tu plantes. Na ili upande. Comment on bâtit? Namna gani wanajenga? On amène des choses. Unaleta mambo. Donc il y aura la foi. Où tu arraches les choses. Tu enlèves des choses. Et il y aura la foi. Où tu amènes les choses. La Bible dit. L'Éternel appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et il dit à Jérémie. Tu vas planter. Uta panda. Mais où est-ce que j'aurai la semence? Lakini nitapata mbegu wapi? Elle est déjà en toi. Imesha kuwa ndani mwako. Il dit pour que tu bâtisses. Anasema ili ujenge. Où est-ce que j'aurai les matériaux de construction de bâtir? Nitapata wapi vyombo vya kujenga? Les matériaux sont en toi. Vyombo viko ndani mwako. Et j'aimerais dire à quelqu'un. Na ningependa nimwambie mtu. Les matériaux sont en toi. Vyombo vimo ndani mwako. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Ces matériaux sortent. Vyombo hivyo par la parole vinatokea kupitia neno. Quelquefois par l'imposition des mains mare nakuwa ni kupitia kuweka mikono juu. Mais principalement par la parole. Lakini kupitia neno et par la foi na kupitia imani. La foi a donc des va et vient. Ni kusema imani inaenda na inarudi. La foi amène des choses. Imani inaleta mambo. Et la foi va prendre des choses. Na imani inaenda kutoa mambo. La foi te permet. Imani inakuwezesha. D'aller prendre ta guérison et l'amener. Wewe uchukue uponyaji wako na ulete. D'aller prendre ton poste, ton emploi et l'amener. Wewe ukachukue kazi yako na ulete. C'est la foi qui prend. Na ni imani ndio inayotoa. Cette foi imani hiyo te permet aussi inakuwezesha pia de donner quelque chose à quelqu'un. Upane kitu kwa ajili ya mtu. De donner quelque chose à ta ville. Upane kitu kwa mji wako. De donner quelque chose à ta famille. Upane kitu kwa jamaa yako. Peut-être tes enfants ne sont pas intelligents. Sasa mmoja watoto wako rendra à la maison. Unaporudi nyumbani. La foi te permet d'aller donner l'intelligence à tes enfants. Wende wapatie watoto wako akili. En tant qu'enfant de Dieu, kama vile mtoto wa Mungu, tu es établi pour ça. Umeshimikwa kwa ajili ya hiyo. En tant que parent, kama vile tu es établi pour ça. Umeshimikwa kwa ajili ya hiyo. La foi qui donne. Imani inayopana. À partir de ce que tu as déjà. Kupitia ile ambayo umekuwa nayo tayari. Dans le passé, nous avons appris. Wakati uliopita tulijifunza. Que Christ en vous. Ya kwamba Kristo ndani mwenu. L'espérance de la gloire. Ni tumaini la utukufu. Et Paul dit aux Colossiens, Paulo anawaambia wa Kolosai, les richesses incompréhensibles de Christ. Utajiri usioeleweka wa Kristo. Il dit en Christ, anasema ndani ya Kristo, nous avons obtenu tumepata des richesses incompréhensibles. Utajiri usioeleweka. Et nous gardons ces richesses où? Na tunaweka utajiri wao wapi? En nous. Ndani mwetu. Et c'est nous prendrons de ces richesses là. Na tutapata kutoka ile utajiri. Pour les donner. Ili tuipane. Dans notre établissement. Ndani ya kushimikwa kwetu. Alors, sasa, je pense que c'est réglé. Nawaza kwamba mambo tu sais comment tu dois vivre à partir d'aujourd'hui. Unajua namna gani unapaswa kuishi. Tu sais comment tu dois faire face à des situations. Unajua namna gani unapaswa kupambana na hali za maisha. Des situations qui te concernent. Hali ambazo zinakuhusu. Des situations qui concernent les autres. Hali ambazo zinahusu wengine. Des besoins ou défis qui te concernent. Et les défis qui concernent les autres. Na, tu es établi. Dis à ton voisin, je suis établi. Yako, Dieu établit Isaac. Mungu anamshimika Isaka. Comme héritier d'Abraham. Kama vile mriti wa Abraham. Et j'aime ça. Na ninapenda hii. Dans Genèse chapitre 26 verset 24. Ndani ya kitabu cha Mwanzo 26:24. L'Éternel lui apparit c'est lorsque Abimelech malmène Isaac. Ni hapa wakati Abimelech anamtesa Isaka. Il l'a malmené, Isaac creuse un puits. Les hommes d'Abimelech viennent le chasser de là où il bouche ça. Il a malmené. Alimsumbua wakati Isaka anatengeneza kisima. Nous avons vu hier wanakuja wanakifunika. Que Dieu s'engage. Na tuliona jana ya kwamba Mungu anajitoa. Pour nous accompagner. Kwa ajili ya kutusindikiza. Dieu était engagé. Mungu alijitoa. Accompagner ce petit Isaac. Kumsindikiza huyu kijana Isaka. Et à l'aider à réussir. Na kumsaidia kufaulu. À le soutenir. Kumsupporti. Dans son établissement. Ndani ya kushimikwa kwake. Comme héritier des promesses d'Abraham. Kama vile mriti wa ahadi ya Abraham. Écoutez ce qu'il dit. Msikie ile ambayo anasema. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit. Bwana Mungu akamtokea usiku na akasema. Je suis le Dieu d'Abraham. Mimi ni Mungu wa Abraham. Ton père. Baba yako. Tu as une référence. Inakuwa ni mfano. Ne crains point. Usiogope. Car je suis avec toi. Maana niko pamoja nawe. Je te bénirai. Nitakubariki. Et je multiplierai ta postérité na nitauzidisha uzao wako à cause d'Abraham, sababu ya Abraham, mon serviteur. Mtumishi wangu. Lorsque nous sommes malmenés wakati tunasumbuliwa dans notre établissement ndani ya kushimikwa kwetu et que nous n'arrivons pas à nous en sortir na tuweze kujitosha ndani Dieu viendra Mungu atakuja comme il est venu chez Isaac jinsi alivyokuja kwa Isaka dire ili akuambie hakura uwe na juhudi. Je suis l'Éternel. Mimi ni Bwana Mungu. Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Abraham. Ton père. Baba yako. Je me suis engagé avec toi. Nimejitoa kutumika pamoja nawe. Mais regardez à quoi Dieu vient. One Mungu anakuja. Dieu vient à Isaac. Mungu anakuja kwa Isaka. Lorsque Isaac a des ennemis extérieurs. Wakati Isaka anakuwa na maadui wa nje. Ce texte ne parle pas des ennemis intérieurs. Andiko ile alizungumzie maadui wa ndani. Pour les ennemis intérieurs. Juu ya maadui wa ndani. C'est toi qui dois régler ça. Ni wewe ndio unapaswa kutatua hiyo. Les ennemis paresse. Maadui kama uvivu. Négligence. Upuzi. Légèreté. Kukamata mambo kwa légèreté. Ça c'est toi qui dois régler. Hapa ni wewe mwenyewe ndio unapaswa kutatua. Tu peux m'aider, c'est comme si vous ne comprenez pas. Dis-le au voisin. Dis-le aux ennemis intérieurs là. Ça c'est toi. C'est toi qui dois régler ça. Ni wewe ndio unapaswa kutatua hiyo. Mais pour les ennemis extérieurs, Dieu va venir pour te dire, hey, ne crains pas. Je vais m'en charger. Lève-nous, on va prier. Alléluia. Amen.